La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. Il y avait une conférence de presse cet après-midi à Robertval pour parler de la 63e édition de la Traversée internationale du lac Saint-Jean. Donc, belle brochette encore de l'activité. On va parler avec la nouvelle présidente, Kim Privé. Salut, Kim! Oui, bonjour! Kim, comment tu trouves ton expérience à titre de présidente pour la première fois? C'est sûr que tu n'es pas complètement étrangère, mais comment tu trouves ça? Ça va extrêmement bien. C'est du nouveau. Même si je suis dans l'organisation quand même depuis plusieurs années, j'apprends quand même à tous les jours sur plusieurs points. C'est vraiment du nouveau quand même pour moi, parce que c'était un autre poste que j'occupais anciennement. Mais j'adore ça. Puis je suis extrêmement bien entourée. Il y a une belle équipe autour de moi au niveau du conseil d'administration, autant que au niveau du comité organisateur et des employés. Fait que j'ai beaucoup de gens autour de moi pour m'aligner si des fois j'avais des questionnements. Puis là, il y a une belle brochette d'activités. C'est sûr que le volet spectacle, ça m'intéresse pas vraiment. Là. Par contre, on va parler quand même de... Ben non, mais regarde, il y a d'autres médias qui font ça pour ça. Là. On va parler du volet plus sportif. Et non, il n'y a pas seulement... Les gens pensent qu'il y a juste la traversée, mais il n'y a pas juste la traversée. Il y a un paquet de... Comme le tournoi de soccer, comme également la course de la traversée aussi, là. Oui, il y a plusieurs activités sportives outre le 32 km de la traversée. Alors, en début de lors du premier week-end de la traversée, donc le premier samedi, il y a effectivement un tournoi de soccer qui a lieu depuis plusieurs années, qui est très, très, très populaire auprès des jeunes. Ouais. Et ensuite, dans cette journée-là, on a des compétitions de natation amateur pour plusieurs groupes d'âge, là, que ce soit des jeunes ou même des adultes. Donc, il y a un 2, un 5 et un 10 kilomètres, la compétition 1, 2, 5 et kilomètres Uniprix. Le dimanche 23 juillet, il y a effectivement de la course à pied, donc la course de la traversée, qui est une étape de la Coupe Autocar Janois. Alors, il y a des 5 et 10 kilomètres pour les adultes, il y a de la marche pour 5 kilomètres et il y a pour les enfants des courses de 1 et 3 kilomètres. Tout au long de la semaine, donc, il y a d'autres activités, mais si on axe un peu plus sur le sport, ben effectivement, le jeudi, il y a des compétitions de natation différentes de celles du 32 kilomètres. Il y a un 10 kilomètres le 10 kilomètres FINA OSSA, donc avec une compétition pour les hommes et les femmes. Le vendredi, il y a encore un 10 kilomètres, mais c'est le marathon de la Rio Tinto. C'est la pépinière, en fait, de nageurs pour la traversée pour le lendemain. En fait, les jeunes qui font le 10 km du marathon de la relève, souvent vont finir quelques années plus tard aux 32 km. Okay. Donc, oui, une multitude d'activités sportives. Puis là, ça fait bien parce que je regarde la brochette de nageurs. On va en parler plus avec Jérémy demain. Je regarde ça. Il y a quand même plusieurs qui ont fait la relève, le marathon de la relève. Évidemment, t'as toujours les mêmes, Philippe Guertin, t'as Xavier Desharnais, mais t'en as quand même plusieurs, puis il y a plusieurs qui viennent du marathon de la relève. Là. Effectivement, plusieurs nageurs proviennent du marathon de la relève, et particulièrement cette année, on a 7 nouvelles nageuses, dont certaines québécoises. Alors, c'est la parité homme-femme cette année, donc 13 hommes, 13 femmes. On est très contents de ça, ça représente 10 pays. Et oui, on le marathon de la relève, comme je disais tantôt, c'est une pépinière pour les nageurs du 32. Et effectivement, plusieurs nageurs là proviennent de cette compétition-là. Donc, il y a quoi? Marie-Lance Lortie, c'est la première fois que j'entends parler de elle. Et Gaëlle Plonquette-Thibault. Ça, j'ai jamais entendu parler de ces deux noms-là. C'est des nouvelles, ça? C'est des nageuses, c'est leur première, oui, ouais, leur hein? première traversée de 32 km. Par contre, c'est des nageuses du 10 km de la relève. Ouais, alors, okay. C'est des nageuses qui ont déjà été là pour d'autres compétitions, mais c'est leur première expérience de 32 km à la traversée. OK. Parle-moi maintenant de ça a été difficile de recruter, compte tenu que cette année, il va y avoir une nouvelle façon de faire de la natation avec l'équipement complet, là. Aucune difficulté de recrutement, bien au contraire, beaucoup de demandes d'inscription. Plus que les autres années? Oui, plus que les autres années. Okay. Mais en fait, depuis plusieurs années, le nombre de demandes d'inscription augmente toujours. Okay. Et cette année, c'est particulièrement, il était particulièrement nombreux. Et le comité de sélection a vraiment eu de la difficulté à faire le choix. Depuis plusieurs années, en fait, depuis presque toujours, il y a toujours, c'est 25 nageurs qui prennent le départ. Et cette année, c'est spécial, on a ouvert une 26e place pour un autre nageur supplémentaire, là, parce que le choix était très difficile à faire. Alors, 26 nageurs vont, et nageuses, effectivement, vont prendre le départ là, le samedi 29 juillet. OK. Si on parlait maintenant du côté de la campagne de financement, ça a super bien été. C'est sûr que je n'ai pas parlé, parce qu'il y a tellement de sport ce printemps. C'est la première fois que je voyais du sport de même. Ça a bien été. Et heureusement, là, vous êtes retourné à la bonne formule. Moi, c'est mon idée. Moi, je l'ai dit dès le départ l'année passée que Régis Labeaume, c'était pas un grand succès. C'est mon opinion personnelle, c'est mon humble opinion. Mais là, vous êtes revenu à la base, puis ça a bien été, là. Oui. Effectivement, ça a très bien été cette année au niveau de la campagne de financement. Monsieur Éric Martel, qui est président directeur général d'Hydro-Québec, a accepté en janvier avec plaisir d'assurer cette présidence d'honneur-là. Et notre équipe de le comité local de financement a travaillé très, très fort aussi afin d'atteindre l'objectif de 200 000 qui a été un petit peu dépassé. Donc, on a atteint 203 000 $ qui a été dévoilé lors de la soirée bénéfice du samedi 6 mai. Ça a pas été tellement difficile. Ah, écoutons, le marathon de... Ben, je vais en parler plus avec Jérémy, mais je vais en parler pareil à toi. Avec le marathon du Lac-Adjim, y a-t-il une synergie? Ça se développe-tu tranquillement, là? Ben, en fait, ça, comme vous venez de mentionner, peut-être Jérémy va être plus en mesure de vous répondre à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que y a des nageurs qui vont faire différentes compétitions au Québec, qui font partie de la Coupe Espoir Canada Pro Color. Et puis, en fait, il y a des bourses, il y a 6 400 $ qui est remis en bourse aux gagnants de ces trois compétitions-là. Il y a nous, il y a le Marathon du Lac-Adjim et il y a aussi Lac Mégantic. Donc, c'est trois compétitions qui forment un mini-circuit, disons ça comme ça, au Québec pour les nageurs qui veulent développer l'eau libre. Là. Alors, oui, il y a un lien qui se fait entre les deux, mais pour les plus en détail, là, M. Bonneau, le directeur général, va être en mesure de vous donner les informations. Ben, Kim, félicitations, bravo, puis bonne chance. Puis je suis bien contente de te parler. Puis cette année, tu vas jouer un nouveau rôle. Tu ne nous feras pas de discipline sur le... Donc... Non, mais je vais être pas loin pour vous guetter. OK. Ben, Kim Privé, la présidente de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean.